Salam alaikum. C'est parce que moi je boycotte les marques où l'argent va chez les sionistes. Mais un jour j'ai vu une émission, ça se déroulait en Palestine, c'était lors d'un mariage, et ils utilisaient des. Et par exemple, sur la table, il y avait des bouteilles de Coca-Cola, parce que c'est très connu, le Coca-Cola. L'argent, il va chez les sionistes, mais je ne sais pas quoi faire.